Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Montréal, plaque tournante de l'édition durant la Deuxième Guerre mondiale. Les premiers volumes d'Anne Hébert, les premiers volumes de Gabriel Auroi, les premiers textes de Roger Lemelin et d'autres. Il y a une espèce de coïncidence, peut-être, entre le fait que Montréal devient une grande capitale de l'édition française pour la première fois et l'apparition d'œuvres québécoises qui vont être connues, qui vont pouvoir être diffusées d'une façon intéressante. Montréal, grande capitale de l'édition française, cet âge d'or dont parle ici Jean-Louis Roy ne durera que quelques années, mais va permettre à de nombreux jeunes auteurs d'ici de sortir de l'ombre, de se faire entendre, de faire entendre leur voix. C'est peut-être d'ailleurs l'aspect le plus durable de cette explosion du monde de l'édition durant la Deuxième Guerre mondiale à Montréal. Car si, avec la fin de l'occupation allemande de la France, le monde de l'édition parisien redémarre ses activités et que la plupart des maisons d'édition de substitution nées à Montréal pendant la guerre disparaissent, ces nouveaux auteurs, eh bien, eux, vont continuer d'écrire et de publier. Parce que pendant la guerre, je dois dire que les Québécois ont été rapides sur leurs patins, parce que le livre français a disparu. Quand la France a été occupée, du jour au lendemain, il n'y avait plus de livres de France. Et en quelques semaines, presque, en quelques mois, vous avez vu surgir les éditions Variété, les éditions Parisot, Val-Bernard Valiquette, et puis vous aviez des maisons comme la librairie Beauchemin qui se sont mis à éditer, comme la librairie Pony qui se sont mis à éditer. En moins d'un an, vous aviez 10 ou 12 maisons d'édition qui publiaient des classiques, qui publiaient des ouvrages de grands écrivains français et des nouveautés qui venaient des écrivains réfugiés à New York qui étaient très nombreux à ce moment-là. La nature a horreur du vide et comme le raconte l'éditeur Pierre Tisser dans cette entrevue qui date de 1984, au moment de l'occupation de la France par les Allemands et de l'étranglement que cette occupation va provoquer sur le livre français, Montréal va prendre le relais, va se développer ici en fait toute une industrie de l'édition. Pour nous raconter cet épisode méconnu de notre histoire, l'historien Sébastien Vincent qui s'intéresse vivement à cette période de la Seconde Guerre mondiale, qui a d'ailleurs publié quelques livres en lien avec ce conflit de 39-45 vu d'ici. Sébastien Vincent, bonsoir. Bonsoir. Sébastien Vincent, commençons par le commencement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette occupation allemande, quand la France est défaite en juin 40? Quel impact ça a sur le livre français? Mais en fait, c'est que dès l'arrivée des Allemands à Paris le 14 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte. Les Allemands entrent sans aucun combat et aussitôt se met en place un système de contrôle par les Allemands. Donc, on procède dans tous les secteurs économiques à des réquisitions, à des contrôles. Dans le domaine de l'édition, par exemple, on va exiger des limitations sur la quantité de papier que les éditeurs utilisent. Même chose pour les journaux. On va contrôler le personnel qui travaille dans les imprimeries, des réquisitions, entre autres, sur le papier aussi, sur l'encre, sur le plomb. Donc, tout est sujet à approbation administrative, ouais. Et ça a pour effet de bloquer le monde éditorial dans son côté très, très mécanique. Ouais. De fait, c'est ce contrôle sur ce dont on a besoin pour imprimer des livres, mais de fait, c'est de la censure, c'est l'exercice d'une censure qui commence à s'articuler par l'occupant allemand. On écoute là-dessus l'éditrice française Dominique Horry dans cette entrevue qui date de 1970. Je crois que ce qu'il faut d'abord expliquer, c'est que la situation des écrivains pendant l'occupation était très particulière, en ce sens que leurs livres n'étaient publiés que lorsque les œuvres avaient reçu l'agrément d'une commission qui s'appelait la commission de contrôle du papier et qui distribuait aux éditeurs des attributions de papier pour éditer tel ou tel ouvrage qui était préalablement soumis en somme à une espèce de censure, laquelle n'avait rien à voir, en principe, avec la littérature. Alors, ce que ça veut dire, en fait, le contrôle du papier, c'est qu'on donne du papier à ceux qui publient des œuvres qu'on veut voir publiées. C'est vraiment, elle l'évoque, l'éditrice Dominique Horry, c'est vraiment un régime de censure. Et ça se traduit, quand on regarde les chiffres, là, c'est spectaculaire. Effondrement du livre en France. Exactement. On passe d'entre-deux-guerres à une moyenne de 10 000 titres publiés à chaque année, alors que pour les années de guerre, donc de 40 à 44 principalement, la production chute à 1200 titres. Donc, c'est une chute de 85 %. Comment l'expliquer? Évidemment, il y a tout le côté réquisition-contrôle dont on parlait, mais il y a aussi une vaste opération de censure et de propagande qui est mise en place par l'autorité allemande, entre autres autour de l'ambassadeur allemand à Paris, Otto Abetz, et de la propaganda Staffel, qui était à ce moment-là gérée par Gerhard Heller. Qu'est-ce qu'ils mettent en place dès les semaines qui suivent l'arrivée des Allemands à Paris en juin 40, plus particulièrement en juillet et en août, les autorités allemandes publient deux listes d'auteurs considérés anti-allemands. Donc en juillet, la liste Bernard, qui contient environ 150 titres d'auteurs dont il faudra détruire les livres, que ce soit en bibliothèque ou en librairie. Et ensuite, en septembre, une liste beaucoup plus importante, la liste Otto, donc par rapport à Otto Abetz, l'ambassadeur allemand, et qui contient plusieurs centaines de titres et qui sera remise à jour ensuite en 1943. Donc, dès lors que ces listes sont publiées, les libraires, les bibliothécaires, en fait, les livres doivent disparaître complètement du marché, ne doivent plus être accessibles aux lecteurs. Et dans les mois qui suivront aussi la publication de ces listes, il y a certaines maisons d'édition qui appartenaient à des propriétaires juifs seront aussi arianisées. Le mot est très dur, mais c'est ce qui s'est produit. Entre autres, les éditions Nathan qui passeront donc sous contrôle allemand. Kalman-Lévy, même chose, les éditions Kalman-Lévy qui seront renommées les éditions Balzac. Avec tout ce que ça veut dire, évidemment. Puis Jean-Louis Roy, l'historien, diplomate qu'on entendait au tout début de l'émission, en parlait, en fait, il y aura un effet d'exode. Des auteurs vont quitter la France, vont se retrouver à New York, beaucoup, mais ailleurs. Les grandes plumes de France, avec cette censure-là, vont décider de quitter le pays. Ben oui, on retrouve, par exemple, Saint-Exupéry va publier ses ouvrages à New York, et aux éditions Bernard Valiquette. Georges Bernanos, l'auteur du journal du curé de campagne, entre autres, va s'exiler en Amérique du Sud. Beaucoup de journalistes beaucoup d'écrivains vont passer un bout de temps aussi dans le sud de la France, parce qu'il faut se rappeler que la ligne de démarcation qui est établie à la suite de l'arrivée des Allemands dans le nord de la France va avoir pour effet de partager le territoire en zone occupée et en zone dite libre. Et beaucoup de Français vont se déplacer en zone libre. Beaucoup de Français, par exemple, Gaston Gallimard va s'exiler à Paris, de Paris vers le sud pour pouvoir tenter de continuer pendant un certain temps ses activités éditoriales. Mais tout ça pour dire que l'attitude de l'écrivain face à la guerre est très variée. Jean Guénaud, par exemple, va prendre l'option de se taire durant toute l'occupation. Il n'écrira plus une ligne. D'autres auteurs, on pense par exemple à Drieu La Rochelle, vont collaborer, alors que d'autres vont choisir l'exil. Alors, autant d'auteurs, autant de choix face à l'occupation allemande. Mais même si le Sud, même si on essaie de réorganiser un petit peu l'édition dans le Sud de la France, ça marche pas vraiment. Et l'effet, on arrive chez nous, c'est que Montréal devient l'une des grandes capitales de l'édition française du monde. Comment ça se passe et pourquoi Montréal? Ben, en fait, c'est que dès 1939, des modifications aux lois de l'époque, entre autres sur le droit d'auteur, permettent de publier des ouvrages en territoire canadien, ouvrages qui seraient publiés par ailleurs dans des territoires considérés comme ennemis. Or, la France devient, à la suite de l'occupation allemande, ennemie du Canada. Donc, les nouvelles lois s'appliquent, ce qui permet aux éditeurs d'ici, qui vont fleurir et se multiplier durant une période très, très courte, mais très intense, vont donc, ces éditeurs, avoir accès à tout le corpus de livres français qui ne peut pas être publié en France. Et par ailleurs, ces éditeurs québécois vont devoir satisfaire 100 % de la demande pour tous les livres et aussi un marché extérieur qui s'ouvre de plus de 10 millions de lecteurs francophones à l'étendue du monde. Alors, c'est une explosion éditoriale et c'est un moment très, très, très important de par son intensité. Il faut voir qu'avant la guerre, le monde éditorial canadien-français est très peu structuré. Beaucoup d'auteurs publient à compte d'auteurs leurs ouvrages. Alors que pendant les années de guerre, les éditeurs québécois vont mettre en place des systèmes de distribution extrêmement modernes et ce sera l'explosion finalement. Et puis, il y a une volonté politique. En fait, on change la loi dès 1939 pour permettre la publication de certains livres qui n'auraient pas pu être publiés ici avant 1939. Le premier ministre, Mackenzie King, qui va en appeler un petit peu au devoir patriotique, là, cette filiation culturelle avec la France, il en appelle aux éditeurs en disant « Vous avez un effort de guerre à fournir. » C'est de ça dont on parle, finalement. Et voilà, ce sont ces mots. Le sort tragique de la France lègue au Canada français le devoir de porter haut les traditions de culture et de civilisation française et son amour brûlant de la liberté. Cette nouvelle responsabilité, j'en suis sûr, vous l'accepterez avec fierté. Alors, c'est ce qu'il dit. Ouais. Alors, ça va se traduire comment? Ces maisons d'édition vont se multiplier. Il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont naître à Montréal. Pour publier quoi, essentiellement? Pour le marché, pour le marché à la fois québécois et l'ensemble du monde libre, hein, dans plus de 35 pays, les livres québécois vont se retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on publie? Des manuels scolaires, essentiellement. C'est la première chose qui est réimprimée. Des manuels religieux, des guides pratiques, de la littérature canadienne, des ouvrages français dont on peut faire la réimpression en respectant certaines conditions. Par exemple, j'ai sous les yeux ici un exemple d'un ouvrage c'est Vol de nuit de Saint-Exupéry. Alors, on retrouve le texte intégral. C'est la première des conditions. Ensuite, l'édition doit être exactement la même que si c'était le livre avait été publié en France. Donc, par exemple, ici, ce sont les éditions Gallimard qui sont sur la jaquette. Les auditeurs ne le voient pas, là, mais c'est fascinant. C'est vraiment la jaquette typique. Là, c'est le graphisme. De la collection blanche de Gallimard, exactement. Les seules différences, par contre, c'est à la dernière page du livre, on retrouve un texte qui est toujours le même dans les ouvrages réimprimés. Ce que ça mentionne, c'est que l'ouvrage est imprimé et publié en conformité d'une licence décernée par le commissaire des brevets sous le régime de l'arrêté exceptionnel sur les brevets, les dessins, etc., qui est donc de 1939. Mais au fond, l'éditeur québécois, il est invisible. Il y a une petite mention à l'arrière qui mentionne que ce sont des éditions... Exactement. C'est vraiment un livre de Gallimard. Exactement. Et ça fait le bonheur des collectionneurs, d'ailleurs, parce que c'est des ouvrages de plus en plus rares. Mais c'est un marché exceptionnel qui s'ouvre parce que il faut satisfaire la demande d'un marché, comme je le disais, de plus de 10 millions de lecteurs. Alors, c'est un marché qui va permettre aussi aux éditeurs de jouer un rôle central dans l'intensité de la guerre. C'est-à-dire que ces éditeurs vont devenir porteurs d'une parole de liberté et d'espoir dans la lutte contre le fascisme. Leurs ouvrages vont avoir aussi pour effet d'ébranler beaucoup les idées reçues et le pouvoir du clergé aussi. C'est une coïncidence, en fait, mais Duplessis quitte le pouvoir. Il y a un premier mandat Duplessis à la fin au milieu des années 30. Il perd le pouvoir en 39. Adélard Godbout arrive. Donc, il y a ces deux facteurs. Ça développe ici une industrie de l'édition. Il y a un gouvernement à Québec qui est plus libéral et donc ça a un effet sur la censure qui recule dans cette période de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. On écoute à nouveau à ce sujet-là l'historien, journaliste et diplomate Jean-Louis Roy, entrevue qu'il accorde en 1977. Dans ce milieu où la censure de l'Église avait toujours été très forte au niveau de l'imprimé, voilà que maintenant, ce n'est plus presque possible. On continue à vouloir censurer. Mais quand on se met à publier Gide à Montréal, Camus et d'autres, Sartre aussi, la censure devient assez difficile. Et d'autant plus que les gens qui éditent les ouvrages le font pour des raisons culturelles, sans aucun doute, mais le font aussi pour des raisons financières. Financières, c'est extrêmement intéressant financièrement. On a tout le marché des États-Unis, où il y a un marché pour le livre français important. On a le marché de l'Amérique latine, on a le marché de l'Afrique du Nord. Donc, on n'a pas envie, parce que le chanoine un tel vient de dire quelque chose sur tel livre de Gide, qu'on ne laissera pas tomber à tout jamais. Et Sébastien Vincent, de fait, En pourcentage, en proportion, là, il faut nourrir le marché intérieur, mais cet accès à ce marché extérieur, c'est quoi en fait à peu près? Ça représente quoi ce marché de l'exportation pour les éditeurs québécois? C'est de l'exportation dans plus de 30 pays où il y a des lecteurs francophones ou des exilés français qui forment des communautés. Donc, on retrouve des livres publiés à Montréal aussi loin qu'en Turquie, en Égypte, en Algérie, au Mexique. Plusieurs éditeurs québécois vont faire des coéditions avec des maisons mexicaines. Pour la première fois de son histoire, le livre canadien occupe le premier rang au niveau international. Ouais. On ne peut pas faire une émission sur ce sujet-là en ne parlant pas du cas de Bernard Valiquette, qui est vraiment exceptionnel. Il aura des centaines de points de vente. Mais d'abord, qui est-il, Bernard Valiquette? Alors, Bernard Valiquette, j'ai fouillé dans son fonds d'archives et j'ai découvert un homme que j'aurais adoré rencontrer. Il était petit, des yeux bleu-gris, très perçants. Il boitait à la suite d'une polio qu'il avait contractée dans l'enfance. Mais paraît-il qu'il avait un charme complètement fou, un charisme irrésistible. À l'époque, il recevra le nom du Gallimard canadien. Alors, ils font des éditions Bernard Valiquette dans les mois qui précèdent la guerre. Et durant toute la guerre, il publiera plusieurs centaines d'ouvrages. Il aura des contacts avec des écrivains d'ici. Il va publier, entre autres, les 16 premiers tomes de l'histoire de la province de Québec de Robert Humilly. Ouais. Il va aussi publier des ouvrages d'exilés français, entre autres Pierre Lazareff. Et il va aussi réussir une prouesse éditoriale incroyable en 1944, c'est-à-dire la publication des œuvres poétiques complètes de Victor Hugo, un bouquin qui fait 1600 pages sur deux colonnes et qui pèse tout près de 2 kilos. Et qui se vendait à l'époque 4,50 $, qui était quand même une somme importante. Et le New York Times en a fait état dans ses pages en disant que ce livre illustrait la vitalité éclatante de l'édition canadienne de l'époque. Donc, c'est un peu l'emblème de ce monde de l'édition montréalaise de cette période de la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'exemple type du self-made man. Oui. Il va être très, très prospère. Très prospère durant les années de guerre parce que, il va engager d'ailleurs, c'est un peu l'histoire qui revient quand on parle de lui, là, de son majordome japonais dans une maison assez cossue sur la rue de Côte-Sainte-Catherine. Il va y mener des grandes soirées, des lancements. Saint-Exupéry va y couper des cravates. Le champagne coule à flot. Parce que c'est tout un personnage, vie mondaine, donc. Qui cite Baudelaire dans le texte, qui aime bien taquiner la bouteille selon ce que j'ai lu, mais c'était un homme avec une très grande curiosité. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme avait à peu près pas d'études. Il avait abandonné après une 9e année faible, mais c'était un boulimique de lecture, un amoureux des livres, un homme avec un entre-gens irrésistible, incroyable, qui a fait qu'il a pu entrer en contact avec Saint-Exupéry, qui l'a publié. Donc, tous les ouvrages de Saint-Exupéry du temps de la guerre, Valiquette va les publier ici. D'ailleurs, il va organiser la visite de Saint-Exupéry au printemps 42 à Montréal, alors que un des romans de Saint-Exupéry paraissait à New York. Oui. Il va avoir des contrats de coédition avec des maisons américaines, des maisons mexicaines. Ses ouvrages vont être publiés jusqu'en Algérie. Il va disposer d'un réseau de distribution de plus de 800 points de vente. Imaginez. Allant de la tabagie dans les hôtels, les restaurants. Alors, il a tout construit autour de sa maison d'édition en très peu de temps. Il est devenu très prospère. Plus de 110 000 bouquins vendus en 1942, 175 000 en 1943. Alors, c'était une quantité de livres inimaginable. Ouais. Mais tout ça, ce petit empire va s'effondrer avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ils seront très, très nombreux, les éditeurs, à devoir fermer boutique. Pierre Tisser nous raconte tout ça. Il s'est produit un vacuum après la guerre. Le livre de France est revenu, réapparu. Ça ne s'est pas fait très vite parce qu'il manquait de papier en France au début. Et par conséquent, tout de suite après la fin de la guerre, peu de livres arrivaient. Mais en l'espace de 6 mois, ils sont arrivés et les maisons se sont effondrées. Certaines ont fait faillite. Les maisons québécoises. Les maisons québécoises. Les éditions de l'Arbre, Urtubis a mis des années à épancher les dettes. Parizeau a disparu, Valiquette a disparu. L'édition Variété, c'est devenu la librairie du Sceau. le vacuum. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines, tous ne font pas faillite d'ailleurs, mais disparaissent? Qu'est-ce qui fait que certains disparaissent et d'autres pas? Ben, c'est l'état financier de chaque maison. Par exemple, Bernard Balifiquette paiera jusqu'au dernier sou de ses dettes, jusque dans les derniers mois, ouais, de sa vie, et il décède en 1974. Le problème qui est survenu, c'est que l'arrêté permettant la réimpression d'ouvrages français vient à échéance le 31 janvier 1946. Donc, ce marché se ferme, mm-hmm, à ce moment-là. Nous ne sommes plus en guerre. Voilà. Donc, la libération fait en sorte que, comme l'extrait le précisait, les maisons d'édition reprennent progressivement leur activité en France. Les auteurs exilés retournent dans leur pays. Alors, bref, les éditeurs canadiens-français se retrouvent avec un surplus d'inventaire. Les ouvrages sont de plus en plus difficiles à écouler. Les banques craignent de continuer de prêter des capitaux aux éditeurs parce que le marché n'est plus aussi florissant. Et à cela, on doit ajouter aussi des conflits de plus en plus ouverts entre les éditeurs français et les éditeurs québécois. Beaucoup d'éditeurs français, beaucoup d'auteurs français, entre autres groupés dans le comité national de la résistance, donc, mm-hmm, qui jugent les auteurs pendant la guerre, vont condamner les éditeurs canadiens-français en disant que certains d'entre eux avaient publié, par exemple, des auteurs qui avaient frayé un peu trop près avec le régime nazi, etc. Ouais. Donc, des facteurs économiques qui font en sorte que le marché s'effondre. Et à ces facteurs économiques-là s'ajoutent aussi des facteurs politiques. Ouais. Ça va être, en fait, les lendemains de cette Deuxième Guerre mondiale vont être difficiles pour le monde du livre québécois parce que, justement, ces facteurs économiques qu'on vient d'évoquer. Puis le facteur politique, c'est le retour de Duplessis au pouvoir. Donc, retour de la censure, au fond, Sébastien Vincent. Ben, Jacques Michon, en parlant de ces années de 44, 45, 46, 47, va parler du retour des éteignoirs. Alors, on parlait tout à l'heure du régime d'Adélard Godbout, libéral, très progressiste, qui sera très sympathique et très ouvert envers les éditeurs. Mais quand Duplessis revient au pouvoir en 44, la sympathie envers les éditeurs est beaucoup moins grande. Ouais. Ensuite, on a le retour du pouvoir clérical, hein, la censure cléricale. Le clergé veut le retour de la moralité en édition. Donc, cesser de publier ces poètes français décadents, ouais, et ramener finalement l'ordre et le bon droit. Alors, l'étouffement que les Français ont vécu à partir de l'occupation allemande en juin 40, ben ici, sous une autre forme, ouais, certainement, toute chose étant relative. Exactement. Ouais. On va quand même assister à une espèce de retour, ouais, du balancier aux années précédant la guerre. L'éclaircie n'aura duré que quelques années. Sébastien Vincent, c'était fascinant, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale et du Canada durant la Deuxième Guerre mondiale. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. Un plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.